Victor Hugo, le poème du jardin des plantes, 8. C'est une émotion étrange pour mon âme de voir l'enfant encore dans les bras de la femme, fleur ignorant l'hiver, ange ignorant Satan, secouant un hochet devant Léviathan, approcher doucement la nature terrible. Les beaux séraphins bleus qui passent dans la Bible, envolés d'on ne sait quel ciel mystérieux, n'ont pas une plus pure aurore dans les yeux, et n'ont pas, sur le front, une plus sainte flamme que l'enfant innocent, riant au monstre infâme. Ciel noir, quel vaste cri que le rugissement, quand la bête, âme aveugle et visage écumant, lance au loin, n'importe où, dans l'étendue hostile, sa voix lugubre ainsi qu'un sombre projectile. C'est tout le gouffre affreux des forces sans clarté qui hurle. C'est l'obscène et sauvage Astarté. C'est la nature abjecte et maudite qui gronde. C'est Némée et Stymphale et l'Afrique profonde. C'est le féroce Atlas. C'est l'Athos plus hanté par les foudres qu'un lac par les mouches d'été. C'est Lerne, Pélion, Ossa, c'est Érymanthe. C'est Calydon funeste et noir qui se lamente. L'enfant regarde l'ombre où sont les lions roux. La bête grince, à qui s'adresse ce courroux? L'enfant jase. Sait-on qui les enfants appellent? Les deux voix, la tragique et la douce, se mêlent. L'enfant est l'espérance et la bête est la faim. Et tous deux sont l'attente. Ils gazouillent sans fin et chantent. Et l'animal écume sans relâche. Ils ont chacun en eux un mystère qui tâche de dire ce qu'il sait et d'avoir ce qu'il veut. Leur langue est prise et cherche à dénouer le nœud. Se parlent-ils? Chacun fait son essai, l'un triste, l'autre charmant. L'enfant joyeusement existe, quoique devant lui l'être effrayant soit debout. Il a sa mère, il a sa nourrice, il a tout. Il rit. De quelle nuit sortent ces deux ébauches? L'une sort de l'azur, l'autre de ses débauches, de ces accouplements du nain et du géant, de ce hideux baiser de l'abîme au néant qu'on nomme le chaos. Oui, cette cave immonde dont le soupirail blême apparaît sous le monde, le chaos, ces chocs noirs, ces danses d'ouragan, les éléments gâtés et devenus brigands, et changé en fléau dans le cloaque immense, le rut universel épousant la démence, la fécondation de tout produisant rien. Cet engloutissement du vrai, du beau, du bien, qu'Orphée appelle Hadès, qu'Homère appelle Érèbe, et qui rend fixe l'œil fatal des sphinx de Thèbes, c'est cela. C'est la folle et mauvaise action qu'en faisant le chaos fit la création. C'est l'attaque de l'ombre au soleil vénérable, c'est la convulsion du gouffre misérable, essayant d'opposer l'informe à l'idéal. C'est Tisiphone offrant son ventre à Bélial. C'est cet ensemble obscur de forces échappées où les éclairs font rage et tirent leurs épées. Où périrent Janus, l'âge d'or et Rhea, qui, si nous en croyons les mages, procréa l'animal. Et la bête affreuse fut rugie et vomie au milieu des nuits par cette orgie. C'est de là que nous vient le monstre inquiétant. L'enfant, lui, pur songeur, rassurant et content, est l'autre énigme. Il sort de l'obscurité bleue. Tous les petits oiseaux, mésanges, hoche-queues, fauvettes, passereaux, bavards aux fraîches voix, sont ses frères. Tandis que ces marmots des bois sentent pousser leurs ailes, ils sentent croître son âme. Des azurs embaumés de myrrhe et de cinname, des entrecroisements de fleurs et de rayons, ces éblouissements sacrés que nous voyons dans nos profonds sommeils quand nous sommes des justes, un pêle-mêle obscur de branchages augustes, dont les anges au vol divin sont les oiseaux, une lueur pareille aux clairs reflets des eaux, quand, le soir, dans l'étang, les arbres se renversent, des lys vivants, un ciel qui rit, des chants qui bercent. Voilà ce que l'enfant rose a derrière lui. Il s'éveille ici-bas, vaguement ébloui. Il vient de voir l'Éden et Dieu. Rien ne l'effraie. Il ne croit pas au mal. Ni le loup, ni l'orfraie, ni le tigre, démon taché, ni ce trompeur, le renard, ne le font trembler. Il n'a pas peur, il chante. Et quoi de plus touchant pour la pensée que cette confiance au paradis, poussée jusqu'à venir tout près, sourire au sombre enfer. Quel ange que l'enfant! Tout, le mal, sombre mer, les hydres quand leurs flots roulent les villes avernes, les griffes, ces forêts, les gueules, ces cavernes, les cris, les hurlements, les râles, les abois, les rauques visions, la fauve horreur des bois, tout, Satan et sa morne et féroce puissance, s'évanouit au fond du bleu de l'innocence. C'est beau, voir Caliban et rester Ariel, avoir dans son humble âme un si merveilleux ciel que l'apparition indignée et sauvage des êtres de la nuit n'y fasse aucun ravage. Et se sentir si plein de lumière et si doux que leur souffle n'éteigne aucune étoile en vous. Et je rêve et je crois entendre un dialogue entre la tragédie effroyable et les glogues. D'un côté l'épouvante et de l'autre l'amour. Dans l'une ni dans l'autre, il ne fait encore jour. L'enfant semble vouloir expliquer quelque chose. La bête gronde et monstre incliné sur la rose écoute. Et qui pourrait comprendre, ô firmament, ce que le bégaiement dit au rugissement? Quel que soit le secret, tout se dresse et médite. La fleur bénie ainsi que l'épine maudite. Tout devient attentif, tout tressaille. Un frisson agite l'air, le flot, la branche, le buisson. Et dans les clairs obscurs, et dans les crépuscules, dans cette ombre où jadis combattaient les Hercules, où les Bellérophons s'envolaient, où planait l'immense Amos criant « Un nouveau monde naît !» On sent, on ne sait quelle émotion sacrée, et c'est pour la nature où l'éternel Dieu crée. C'est pour tout le mystère un attendrissement, comme si l'on voyait l'aube aux rayons calmants s'ébaucher par-dessus d'informes promontoires, quand l'âme blanche vient parler aux âmes noires.